Thank you in the name of Jesus. Merci au nom de Jésus. Let us pray right away. Prions immédiatement. Mighty Father, puissant Père, Father, the God of heaven, Père, le Père des cieux, the God of Abraham, le Dieu d'Abraham, the God of Isaac and Jacob, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Father, look, today we are assembled here. Père, regarde, aujourd'hui nous sommes rassemblés ici. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. To seek you. De te chercher. Seek your counsel. Chercher tes conseils. That we may hear from you. Afin que nous puissions entendre de ta part. And receive healing from you. Et recevoir la guérison venant de toi. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Father, today, Père, aujourd'hui, you who is the King of heaven, toi qui es le roi des cieux, the King of all the earth, le roi de toute la terre, the King of Israel, le roi d'Israël, the mighty God of Israel, le puissant Dieu d'Israël, release yourself here, libère-toi toi-même ici, bring your presence here, amène ta présence ici, and bring revival here. Et amène le réveil ici. Begin the revival. Commence le réveil. That this nation, afin que cette nation, may return to you, puisse revenir à toi, and prepare the way, et prépare le chemin, for the glorious coming of the Messiah, pour la venue glorieuse du Messie. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. And amen. Et amen. And amen. Et amen. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Merci, merci. Thank you for everything. Merci pour toutes choses. For coming before the Lord. De venir devant le Seigneur. It is going to be mighty here tonight. Ça va être puissant ici ce soir. I have already seen the healings that will take place here tonight. J'ai déjà vu les guérisons qui auront lieu ici ce soir. In the name of the Lord. Au nom du Seigneur. That means. Ça veut dire. The Lord loves Congo. Le Seigneur aime le Congo. Hallelujah. Hallelujah. And so before we sit down. Alors avant qu'on puisse s'asseoir. Before we sit down. Avant qu'on s'asseye. I want to say this. Je veux dire ceci. That the Lord. Que le Seigneur. Is right now in control. Il est maintenant au contrôle de toutes choses. In this place. À cet endroit. And before we sit down. Et avant de s'asseoir. I want to bless the worship team. Je vais bénir l'équipe de la chorale. Hallelujah. Hallelujah. So you can be seated. Alors vous pouvez vous asseoir. For a moment. Pour un moment. For a short moment. Pour un moment très court. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Now listen to me, precious people. Maintenant, écoutez-moi, précieux peuple. I know. Je sais. That I want to say so much thank you. Que je veux dire beaucoup de merci. To all of you. À toutes, à chacun d'entre vous. That have come. Qui est venu ici. Some of you from many nations. D'autres de plusieurs nations. And some of you with many conditions. Dans plusieurs conditions différentes. Just be at peace tonight. Soyez en paix ce soir. Because the healing and anointing of the Lord. Parce que l'onction et guérison du Seigneur. Is now here. Et maintenant ici. To set you free. De vous libérer. But before I go there. Mais avant que j'aille là-bas. I want to say this. Je vais dire ceci. Tonight. Ce soir. Is probably the last night in Brazzaville. C'est probablement la dernière soirée ici à Brazzaville. And then I'll leave to Pointe Noire. Alors j'irai à Pointe Noire. After the healing service. Après le service de guérison ici. But listen to me, precious people. Écoutez mon précieux peuple. Probably. Probablement. Some of you were not in the conference. Certains d'entre vous n'étaient pas à la conférence. When the Lord was speaking to the pastors. Quand le Seigneur parlait aux pasteurs. And I want to bring this to you. Je vais amener ceci à vous. Before we begin. Avant qu'on commence. And then we enter the healing service. Alors nous allons entrer dans le service de guérison. But listen to me. Mais écoutez-moi. Now. Maintenant. The Lord has been speaking here. Le Seigneur a commencé à parler ici. For the past 2 days, dans les derniers 2 jours, and the message the Lord spoke, et le message que le Seigneur a dit, in this place, à cet endroit, to the church leadership, aux leaders des églises, is a tremendous message. C'est un message très puissant. A message of power. Un message de puissance. The message of glory. Le message de la gloire. The message of repentance. Le message de la repentance. The message of returning to holiness. Le message de retourner à la sainteté. The message. Le message. Of going back to the house of the Lord. De retourner dans la maison du Seigneur. The message. Le message. Of the coming of the Messiah. De la venue du Messie. That is what I have brought you. C'est ce que je vous ai amené ici. Before we enter the healing service. Avant notre service de guérison. I want you to know this. Je veux que vous sachiez. That the Lord. Que le Seigneur. The Lord Jehovah. L'Éternel Yahweh. The God of heaven. Le Dieu des cieux. The Creator. Of the universe, le créateur de l'univers, the God of our Lord Jesus, le Père de notre Seigneur Jésus, he has spoken with me. Il a parlé avec moi. That is why, c'est pourquoi, in my journey, dans mon voyage, at this time, à cette heure ici, I have stopped, je me suis arrêté, at a station, à la station called Congo Brazzaville. Appelé Congo Brazzaville. It has been a long journey. Ça a été un long voyage. All over the world. Dans le monde entier. From Australia. De l'Australie. New Zealand. Nouvelle-Zélande. Toronto. Au Toronto. Montréal. À Montréal. South Korea. En Corée du Sud. Finland. En Finlande. Everywhere. Partout. But today. Mais aujourd'hui. That train. Ce train-là. Has stopped here. S'est arrêté ici. And what is the train saying? Et qu'est-ce que le train est en train de dire? He's saying, il dit, come on now. Venons maintenant. Come on board. Montez dans le train. The train is about to leave. Le train va bientôt partir. Come on board. Venez à l'intérieur du train. The train, le train is about to leave the station. Va bientôt quitter la station. Don't worry about the healings. Ne vous inquiétez pas de la guérison. I have seen healings here. J'ai vu la guérison ici. I see a little baby walking. J'ai vu un petit bébé marcher. I think walks on this carpet or somewhere here. Il a marché quelque part ici, comme dans ce tapis. I see a boy with a shorts. J'ai vu un petit garçon avec une culotte. Standing up. Il s'est mis debout. I see another man looks like crippled. J'ai vu un autre monsieur qui était paralysé. Another man, un autre homme, looks like crippled legs. Il avait comme les pieds paralysés. I see eyes, je vis les yeux, opening, s'ouvrir, in this place, à cet endroit ici. But first, mais d'abord, listen to this, écoutez ceci. He's saying, il est en train de dire, he's saying, il dit, that the train, que le train, that prepares the way. For the Messiah, qui prépare le chemin pour le Messie, has made a stop here, et maintenant arrêté ici. And he's saying, et il dit, Congo Brazzaville, Congo Brazzaville, please, s'il vous plaît, come on board, vas-y, entre dans ce train. The train is about to leave, le train va bientôt partir. It will leave the station, ça va quitter la station. Come on board, venez à l'intérieur. Time, le temps, is over, est fini. Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. I am sharing this. Je partage ceci. In one of the conversations, dans une des conversations, the Lord, le Seigneur, he showed me the rapture of the church. Il m'a montré l'enlèvement de l'église. So listen to me. Écoutez-moi. In that vision, dans cette vision, the Lord lifted me up. Le Seigneur m'a soulevé en haut. Above the earth, au-dessus de la terre. And from where he lifted me, et par d'où il m'avait soulevé. I was able to see the earth. J'étais capable de voir la terre. And when I saw the earth, et quand j'ai vu la terre, look at this. Regardez ceci. I was shocked. J'étais choqué. Because, parce que, I saw something. J'ai vu quelque chose. I saw something. J'ai vu quelque chose. That looked like an earthquake. Qui ressemblait à un tremblement de terre. Hit the earth. Qui a frappé la terre. Why? Pourquoi? Because, parce que, I saw the surface. J'ai vu la surface of the earth, de la terre, disturbed, qui était perturbée. The rocks jumping, Le rocher commençait à sortir. And the dust coming up. De la terre, de la poussière qui montait. So I knew. Alors je suis. That must be a tremendous earthquake. Que c'était un tremblement de terre très fort. Hit the surface of the earth. Qui a frappé la surface de la terre. But when I looked there, mais quand je regardais là, then I realized, j'ai réalisé, that there was glory, il y avait la gloire, that was beaming from heaven, qui venait du ciel, on the earth, sur la terre, the glory of Jehovah, la gloire de l'Éternel, was beaming on the earth, est en train de se répandre sur la terre, and this glory, et cette gloire, I realized, j'ai réalisé, had so much power, avait tellement de puissance, the glory, la gloire, was the one shaking the earth, et cette gloire qui secouait la terre. How? Comment? When I looked close, quand j'ai regardé de près, I saw people, j'ai vu les gens, in their glorious bodies, dans leur corps glorieux, the glory of God, le Dieu glorieux, hit the earth, et a frappé la terre, and pulled them from their tombs, et les a tirés de leur tombe, and they were wearing glorious bodies, et ils portaient des corps glorieux, and so when they came up, et quand ils sont sortis, on the surface, sur la surface, where the dust was, là où il y avait la poussière, the glory was mixed with the dust, la gloire était mélangée avec la poussière, but the more they went up, mais plus ils montaient en haut, towards this glory that I saw here, au travers de la gloire que je vis ici, the more they went, plus ils montaient, into the pure glory of God, dans la pure gloire de Dieu, and I saw them go, et je les voyais partir, and they joined the Lord, et ils ont rejoint le Seigneur, and heaven opened, et le ciel était ouvert, and they entered, et ils sont rentrés, and heaven closed, et la porte s'est fermée, le ciel s'est fermé. Alléluia. That is the message I bring here. Ça c'est le message que j'apporte ici. That the Messiah is coming. Que le Messie est en train de venir. What is the message? Quel est le message? I found out. Je me suis rendu compte. That in that Bible. Que dans cette Bible. He had shared the same. Il a partagé la même chose. With Daniel the prophet. Avec Daniel le prophète. And Daniel wrote it down. Et Daniel a écrit cela. In Daniel chapter 12. À Daniel chapitre 12. When he wrote it down. Quand il a écrit cela. There is a message there. Il y a un message là. Daniel. First saw the distress. Il a vu la détresse. The distress. Il a vu la détresse. The earthquakes. Les tremblements de terre. Economic crisis, la crise économique, Ebola, l'Ebola, disease, la maladie, wars, la guerre. Daniel saw, Daniel a vu, in Daniel 12:1, dans Daniel 12:1, but Daniel 12:2, mais Daniel 12:2, after the historic distress, après la détresse historique, Daniel sees the rapture, Daniel a vu l'enlèvement. There is a message there. Il y a un message là-bas. When Daniel sees the rapture, quand Daniel a vu l'enlèvement, he sees two resurrections. Il a vu deux résurrections. One group, un groupe, those who are dead in Christ, ceux qui sont morts en Christ. One group resurrects, un groupe qui est ressuscité, for eternal life, pour la vie éternelle. Another group. Un autre groupe resurrects, qui est ressuscité, to go to hell, d'aller en enfer, for judgment, pour le jugement. But, mais, Daniel 12:3, Daniel 12:3, he says, il dit, those resurrected for rapture, ceux qui sont ressuscités pour l'enlèvement, he sees two subgroups, il voit deux sous-groupes, one group, un sous-groupe, he calls them, il les appelle, those who are wise, ceux qui sont sages, they will shine like the brightness of the heavens. Ils vont briller comme la splendeur du ciel. And he says, et il dit, but those who lead many to righteousness, mais tous ceux qui ont conduit beaucoup à la droiture, they will be brighter, ils vont être plus brillants, than the heavens, que les cieux, they will be like the stars, ils seront comme les étoiles, forever and ever, pour l'éternité en éternité. What is the message here? Quel est le message là-bas? To Congo Brazzaville. Au Congo Brazzaville. Listen to me. Écoutez-moi. The Lord showed me the same vision. Le Seigneur m'a montré la même vision. That he shared with Daniel. Qu'il a partagé avec Daniel. And he shared with Isaiah. Avec Esaïe. But listen. Mais écoutez. Now that he has showed it to me. Maintenant qu'il m'a montré cela. What is he saying? Qu'est-ce qu'il dit? He's saying. Il dit. That be careful. Que faites attention. Before we enter the healing service. Avant d'entrer au service de guérison. Be careful. Faites attention. He's saying. Il dit. That Daniel saw. Que Daniel a vu. Those who are wise entering. Ceux qui étaient sages, ils sont rentrés au ciel. In other words, en d'autres mots, he has sent me here. Il m'a envoyé ici. To ask au Congo Brazzaville. De demander au Congo Brazzaville. Are you wise? Êtes-vous sage? This is the hour of wisdom in the church. Ça, c'est l'heure de la sagesse dans l'église. Because, parce que, he says, il dit, only those who are wise entered. Seulement ceux qui étaient sages sont rentrés. Ever since you received Jesus, depuis que vous avez reçu Jésus, have you walked in the wisdom of God? Avez-vous marché dans la sagesse de Dieu? Jesus came. Jésus est venu. In Matthew 25, dans Matthieu 25, and spoke about the rapture. Il a parlé de l'enlèvement. In the same way, de la même manière. And he said, alors il dit, and the wise virgins, et les vierges sages, will enter, vont entrer. Are you wise? Êtes-vous sage? And the Bible says, et la Bible dit, in Job 28, dans Job 28, verse 28, verset 28, he says, il dit. Behold, voici, it is the fear of the Lord that is wisdom. Que la crainte de Dieu, c'est la sagesse. The fear of the Lord. La crainte de Dieu. Is the church walking in the fear of the Lord? Est-ce que l'église marche dans la crainte de Dieu? Before we enter the healing service. Avant qu'on entre dans le service de guérison. Tell me. Dites-moi. How about your eternity? Qu'en est-il de votre éternité? How about your eternity? Qu'en est-il de votre éternité? In other words, he's saying. En d'autres mots, il dit. That this. Ceci. Is the dispensation. C'est la dispensation. Of wisdom in the church. De la sagesse dans l'église. The dispensation. Dans la dispensation. Of the fear of God in the church. De la crainte de Dieu dans l'église. Don't fear SIDA. Ne craignez pas le SIDA. Don't fear SIDA. Ne craignez pas le SIDA. But fear the Lord. Ne craignez l'Éternel. Ask yourself. Demande-toi toi-même. This thing I am doing with my life. Ce que je fais avec ma vie. Is this the fear of God? Est-ce que c'est la crainte de Dieu? If you fear God. Si tu crains Dieu. Your dressing will change. Votre habillement va changer. Your walking will change. Votre marche va changer. Your talking will change. Votre façon de parler va changer. Your worship will change. Votre adoration va changer. Your life will change. Votre vie changera. Your friends will change. Vos amis vont changer. Your prayer will change. Votre prière va changer. Your Bible study will change. Votre étude biblique va changer aussi. You will read the Bible. Vous allez commencer à lire la Bible. Your Bible, votre Bible, you will hold it like this. Vous allez attacher votre Bible comme ça. But Daniel said, mais Daniel a dit, he added, il a ajouté, and he said, et il a dit, that he saw, qu'il a vu, those who lead many into righteousness, ceux qui ont attiré beaucoup à la justice de Dieu. They were shining, ils priaient, even brighter, même plus grandement, than the wise, que les sages. Meaning, ça veut dire, this is the hour, c'est l'heure, for righteousness, de la justice, in Congo Brazzaville, au Congo Brazzaville, this hour, à cette heure ici, this is the hour, ça c'est l'heure. For you as a Christian, de vous en tant que chrétien, a pastor, des pasteurs, to lead people, de conduire les gens, into the righteousness of God, dans la droiture, la justice de Dieu. The Lord is asking. Le Seigneur demande. Ever since you became born again, depuis que vous êtes né de nouveau, have you really led people? Avez-vous conduit les gens into the righteousness of Jehovah? Dans la droiture, la justice de l'Éternel. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? I know we are going to have a healing service. Je sais qu'on va avoir le service de guérison. But I have to tell you this. Mais je dois vous dire ceci. This is eternity. Ça c'est l'éternité. This is key. Ça c'est la clé. This is central. Ça c'est central. Ah. Change your lives. Changez vos vies. Return to the fear of God. Revenez dans la crainte de Dieu. Teach your children. Enseignez vos enfants. The fear of God. La crainte de Dieu. Teach your household. Enseignez toute votre maison. The fear of God. La crainte de Dieu. Return to righteousness. Revenez à la droiture et à la justice. Amen. Amen. That is the message. Ça c'est le message. I said. Je dis. Healing service. Le service de guérison. But first, mais d'abord, eternity, l'éternité. And this is just the beginning. Et ce n'est que le commencement. The Lord will visit you more. Le Seigneur va vous visiter de plus en plus. But now, mais maintenant, if there are people who are not born again here, s'il y a des gens ici qui ne sont pas encore nés de nouveau, before we enter the healing service, avant d'entrer au service de guérison, just lift up your hand where you are. Levez vos mains là où vous êtes. Those who want, ceux qui veulent, to go back to the Lord, de revenir au Seigneur, before we enter the service, avant d'entrer au service de guérison, don't come. Ne viens pas. Just lift up your hand where you are. Juste lève la main là où tu es. Very high, lift high. Lift up très haut. Very good, very very high. Voilà, très haut. Lève ta main très haut. Très bon, très bon. Very high. Très haut si tu veux recevoir Jésus. Let everybody repeat this prayer. Que tout le monde répète cette prière. With them. Ensemble avec eux. That they may get back to righteousness. Afin qu'ils reviennent à la droiture de Dieu. That they may enter. Afin qu'ils entrent. Say precious Jesus. Dites à haute voix, précieux Jésus. I don't hear. Let us say it loud. Precious Jesus. Plus fort. Précieux Jésus. I have heard. J'ai entendu. That this hour. Que à cette heure-ci. Is the hour of wisdom. C'est l'heure de la sagesse. The hour of righteousness. C'est l'heure de la droiture. And today. Et aujourd'hui. I receive you. Je te reçois. In my heart. Dans mon cœur. And reject sin. Et je rejette le péché. And ask you, Lord. Et je te demande, Seigneur. Please establish. S'il te plaît, établis. Holiness. La sainteté. Righteousness. La droiture. Fear of God. La crainte de Dieu. In my life. Dans ma vie. And protect me. Et protège-moi. For the kingdom of God. Pour le royaume de Dieu. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Today. Aujourd'hui. I am born again. Je suis né de nouveau. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.